Seagull, this one crazy. Switcher on this one, this one, this one. Il est venu jusqu'à devant moi, après il a tiré dans mon mollet. J'ai vu mon mollet, il s'est arraché. Après, quand je me suis assis, le sang il continue à s'éparpiller par terre jusqu'à couler sur le trottoir, tout ça. De la plaie, c'était... j'arrivais même pas à bien regarder tellement c'était... Trop de sueur, grave dans le check, mec. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Ça débite, ça parle, c'est violent. Des chacteurs, des chacteurs, des chacteurs. Que des menteurs, que des suiveurs, c'est comment? C'est comment, c'est comment, c'est comment. Chez moi pas de grand, si tu fais chaud, c'est violent. Trop de sueur, grave dans le check, mec. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Ça débite, ça parle, c'est violent. Des chacteurs, des chacteurs, des chacteurs. Que des menteurs, que des suiveurs, c'est comment? C'est comment? C'est comment, chez moi pas de grand, si tu fais chaud, c'est violent. C'est violent, c'est violent, c'est violent. Parle la ronda, tu verras si je fais semblant. Ils ont tous fini par changer avec le temps. Ils sont tous restés bloqués à l'époque des francs. Je vais évoquer toutes sortes de trucs. La plupart c'est des putes, après pas de stup. Que des menteurs, que des suceurs. Je vais finir par les éliminer, briser la nuque. Et dans l'hôtel, c'est exceptionnel. Dans l'ascenseur, c'est émotionnel. Elles font toutes les belles, mais tout ça c'est pour la fame. Prête à tout pour finir numéro uno dans le game. Sans faire le boulot, boire champagne au culo. Avoir le talent d'Engolo. Sans faire le boulot, boire champagne au culo. Avoir le talent d'Engolo. Trop de sueur, grave dans le check, mec. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Ça débite, ça parle, c'est violent. Des chacteurs, des chacteurs, des chacteurs. Que des menteurs, que des suiveurs, c'est comment? C'est comment, c'est comment, c'est comment. Chez moi pas de grand, si tu fais chaud, c'est violent. Dans la vie y'a des hauts, y'a des bas. J'suis avec les potes, gros, ça fait des débats. Ça fait des sons, même si y'a pas les gigas. Mais dis gaffe, gros, ça rappe depuis l'époque des caves. J'ai pas fait de grève, à part au chantier avec quelques portugais qui voulaient leur part du gain. On vivait comme des chiens, danger de pourrir sa mère. Moi je nourrissais le chat, comme si j'étais sa mère. À deux doigts de boiter quand y'a pas de salaire. Elle fait la fille bien, je l'ai vu les fesses à l'air. J'ai vu les gueules faut loin, mais c'était une fausse alerte. Ouais, les mains faut salir, mais pas n'importe comment. Les gars, je les sens pas. Si t'as besoin, le gars descend pas. Seul chez moi, je fais les 100 pas. Tu dis mémé, mais je le ressens pas. Trop de sueur, grave dans le check, mec. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Ça débite, ça parle, c'est violent. Des chacteurs, des chacteurs, des chacteurs. Que des menteurs, que des suiveurs, c'est comment? C'est comment, c'est comment, c'est comment. Chez moi pas de grand, si tu fais chaud, c'est violent. Je croyais que c'était la fin, tu vois. Je suis passé de l'adrénaline avec de la chaleur. Avec comme si une sensation de froid et les membres qui se bloquent, tout ça. J'arrivais plus à trop entendre ce qui se passait, j'avais les oreilles qui sifflaient. À ce moment-là, ouais, j'ai vraiment cru que j'allais mourir.